modestie. Pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie. Pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie. Pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie. Pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Dans mon ghetto, les poteaux béton. Puis comme la dope, joue au petit tas pour se détendre. Aucune entente, on fait semblant. C'est la vie, c'est la guine dans nos ghettos. Higo, j'ai mal, je crois bien qu'il est temps. Higo de tous les dominants. Higo, j'ai mal, les gens font du sale ici pour un petit bout de papier. Bourbier, braquage, calage. Bourbier, en plus t'as pas l'âge. Bourbier, dépoché à vous. Bourbier. Dans mon ghetto, les poteaux béton. Puis comme la dope, joue au petit tas pour se détendre. Aucune entente, on fait semblant. C'est la vie, c'est la guine dans nos ghettos. Modestie, pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie, pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie, pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Modestie, pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon ghetto. Les gens changent, je te l'avais dit. Tu sais, les gens changent, je te l'avais dit. Tu sais, les gens changent, je te l'avais dit. Tu sais, les gens changent, je te l'avais dit. Pour l'instant, sur le béton, les poteaux roulent en slip, la la la. Et la street, j'y suis dedans. Là t'as pas idée, les gens veulent m'allumer. Comme les frères Bidom Tom, moi j'suis calibré. Les poteaux me disent lève-toi ou tu vas saliver. Ma zone c'est devenu comme ton, le hin m'a validé. Non non, une minute. On a fait du sale pour pouvoir y arriver. On a mis des tangentes, j'suis l'élu. Fini la mi-temps et on repart pour naviguer. Toi tu jappes sur mon actu. Comme je rappe, tu n'auras plus. Toi tu jappes sur mon actu. Comme je rappe, tu n'auras plus. Modestie, pour l'instant, toujours les pieds sur terre dans mon